billets 17$ à la porte ou sur lepointdevente.com. Avouez que ça donne envie. Le Radiothon de CKRL fut un franc succès grâce à vous et à la collaboration de nos partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sam Ahmad, la députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais, le député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, et le député de Jean-Lesage, M. André Drolet. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Bonjour, chers auditeurs. Mon nom est Michel Monette. Au cours de la prochaine heure, je vous présente Les oreilles ailleurs. He hau hu, ti hei, mauri ora. C'était la voix de Maysereka, M-A-Y-S-E-Y-R-I-K-A, Maysereka, dans Karakia, Timatanga. Kia ora est une salutation passe-partout en maori, utilisée autant par ceux-ci que par les autres habitants de l'île Aotearoa, l'île aux longs nuages blancs, là où vivent plus de 600 000 Maoris. Leur pays est mieux connu sous le nom de Nouvelle-Zélande. Les Maoris sont environ 15 % de la population de ce pays. Depuis quelques décennies, ils vivent une renaissance culturelle, surtout depuis que leur langue est devenue, a enfin été reconnue comme langue officielle en 1987. Il y a quand même un parallèle à faire avec les peuples autochtones d'ici, n'est-ce pas? J'ai choisi pour vous une chanson de Maysereka, dans laquelle elle parle des pouvoirs surnaturels d'un dieu de la mer qui s'appelle Tangaroa, mais surtout dans laquelle elle fait valoir le trésor culturel que sont les légendes de son peuple. Le même dieu a inspiré un autre chanteur, Tikitani, qu'on va entendre tout de suite après. Mais revenons à Erika. Cette chanteuse est très populaire en Nouvelle-Zélande. Elle a débuté sa carrière par un album de chant traditionnel de son peuple, choisi meilleur album en langue maori, lors des New Zealand Music Awards en 1996. Elle avait à peine 13 ans. Un vrai conte de fées, n'est-ce pas? Ce qu'on va entendre d'elle, date de 2012, la deuxième de la chanson. Voici Tangaroa Wakamotai. Tangaroa, Yeah. C'était le chanteur Tsikitane dans Tangaroa. Auparavant, c'était c'est Reka dans Tangaroa Wakamotai. Tsikitane, son nom tout au long, Nathan Glenn Tane Tinoro, est aussi un producteur de spectacle, un excellent ingénieur du son et un activiste maori. Depuis 2007, il poursuit une carrière solo après avoir fait partie d'un groupe qui s'appelait les Salmonella Dub. Il était d'abord preneur de son soundman pour le groupe, puis il a été intégré comme musicien parce qu'il leur avait présenté une première de ses compositions qui leur a tout de suite plu. La vie est souvent faite de ces moments charnières. L'attachement à l'héritage maori est aussi partagé par celle qu'on va entendre, Ariana Tikao. Pour elle, et là je la cite, il est fondamental de ne rien oublier de ce qui constitue notre patrimoine, nos vieilles légendes et chansons qu'on nomme chez nous Wai Ata. Elle dit qu'elle aime particulièrement contribuer à les ressusciter en les présentant aux nouvelles générations. On va l'entendre dans la chanson Karoi Mata. Mais avant, on va s'offrir Luga Malalo du groupe Tevaka, dont le leader Opetaya Foai est né à Samoa. Ça, c'est un pays situé au beau milieu du Pacifique. Il a ensuite grandi en Nouvelle-Zélande. Tevaka, ce sont 13 musiciens qui proviennent de diverses îles du Pacifique. Les Maoris vivent pas seulement en Nouvelle-Zélande, aussi sur diverses îles du Pacifique. Et du pays des Kiwis, comme on appelle les Néo-Zélandais. Ariana Tikao, Mana Motuhake, ça c'est le nom de la chanson. On termine cette première partie avec la chanson Ragi Mokopuna. C'est tiré du premier d'une série d'albums dont je vais vous reparler en deuxième partie. Tatu, la série d'albums. C'est le groupe Reggae Ruia que vous allez entendre. I want more kiruna party. To go cut it in my hope in my tahaki. Oh, hold it in a day to day of it to. Kohu, hold a weed up to tangata. Takari pori po. Wife of a ehu ehu hey, tata pene neya, kwatu papa kutero pumauri hey, totara wahirua, kwanga utena mune hey, pene te tata ke, kwahuri, koaroha ue hey. Tata, huri huri mai. E hara hake hi wainga nui a pondowe. E kiri kotea me takatu hake nei. E rua nei ora taureo hai hapai te hiwi he. Ka whakaro no rataua. Ahaue, aura tau tupuna hei. Ka aroha hoki ia, i ngahi mene aura tau. Whahe au ha, takari pori po. Ngā wai whaka e hu e hu e. Kwa tata penei nei a, kwa tu papaku. Plongez dans l'univers des arts visuels à Québec, vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'Aérospatial, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 $ de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Masso Solutions Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.

C'était le groupe Why dans Tuya Teha. Je vous ai parlé en première partie de la chanteuse Ariano qui voulait ressusciter et présenter aux nouvelles générations les vieilles légendes, les vieilles chansons maori, Ariana Tekao. Eh bien, le groupe Why veut faire la même chose. Why, ça veut dire O-E-A-U, comme de l'eau en maori. Je rappelle que toute l'émission porte aujourd'hui sur des artistes maoris de la Nouvelle-Zélande. Le groupe Why s'inspire de la tradition de son peuple et ils veulent vraiment donner le goût de leur langue, donner le goût de leur héritage aux jeunes maoris. C'est vrai, c'est ce qu'ils sont donnés comme mission. On les écoute dans He Tapu Koe. Yeah. Hetapu Koe du groupe Y, puisé dans la tradition pour transmettre l'héritage aux nouvelles, aux jeunes générations à travers une musique actuelle. Quelle belle façon de procéder, n'est-ce pas? Vous serez d'accord avec moi. La prochaine chanteuse, Annika Moa, le fait aussi de belle façon. Elle a reçu plusieurs récompenses tout au long de sa carrière. Album de l'année, chanteuse de l'année, compositrice de l'année. J'en ai compté une quinzaine dans mes recherches. Son album Stolen Hill lui a valu 2 prix. Meilleur artiste féminin solo et meilleur album folklorique. J'ai choisi pour vous, sur cet album, la chanson Kawakayua Ano. Tangi wai ko wai te nai fakarongo ki te ata ka. Annika Moa ka waka huya ano. Vous avez des enfants et vous voulez leur faire plaisir, cherchez le nom de cette artiste Annika Moa. Vous allez voir son dernier album, c'est un album de chansons en maori, pour les enfants. Le chanteur Rob Roy a écrit dans sa bio sur son compte Twitter qu'il aime la musique, mais il a ajouté qu'il aime passionnément la musique maori. Ça a été une année exceptionnelle pour lui. Il a sorti son premier EP en 2014 sur laquelle on retrouve la chanson Tiki Tapu, dont la structure s'inspire du Motea Tea. Ça, c'est un chant maori. Il y parle de sa passion pour le Mokoko no I. Le Mokoko no I, c'est une peinture faciale. C'est la peinture faciale typique des hommes maoris. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Tiki Tapu a été choisi meilleure chanson de l'année lors des Waiata Maori Awards en 2014. Tapu te muero nei, verao. C'était Rob Roa dans Tiki Tapu, meilleure chanson 2014 en maori, du moins en Nouvelle-Zélande. Je vous présente maintenant une chanteuse au style très urbain. C'est un mélange de rhythm and blues, de reggae, de jazz. Elle s'appelle Shiri Wayota, W-A-I-T-O-A, ou encore Sista. En passant, si vous ne retenez pas les noms des artistes des chansons que je vous ai présentées aujourd'hui, ben, il y a le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs en un seul mot, lesoreillesailleurs.net, où vous allez retrouver tout ça à compter de peut-être une demi-heure, une heure après la fin de cette émission-ci. Shiri Wayota, on va l'écouter dans la chanson Ki Uta Ki Tai, Ki Uta Ki Tai, dans laquelle on entend aussi Ruya. Vous savez, ceux qui ont joué, si vous étiez là en toute fin de la première partie, tantôt. C'était Shiri Wayota dans Ki Uta Ki Tai avec Ruya. On complète cette émission avec deux chansons tirées du volume 4 de la série d'albums Tattoo Tattoo, une série qui veut présenter ce que la scène maori néo-zélandaise fait de mieux aujourd'hui dans le domaine du reggae, du hip-hop et de la soul ou du rhythm blues. C'est une belle initiative, n'est-ce pas? On va entendre Putama Paki du chanteur hip-hop T. ou Kaipo, mais d'abord la chanteuse Huya Hamon. Non seulement elle compose, elle joue et elle chante, mais elle peint et elle gère en plus avec son conjoint, j'allais dire, elle gère en plus son conjoint, elle gère en plus avec son conjoint sa propre entreprise le studio, malgré que ça arrive parfois qu'on gère notre conjoint, n'est-ce pas? Le studio d'où sont sorties les compilations Tattoo Tattoo, dont une cinquième mouture va bientôt sortir. Écoutons-la dans Rangitu Haha, et ça va mettre un terme pour l'émission de cette semaine. Il y a Topic du Capricorne qui suit tout de suite après. Mon nom est Michel Monette. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute cette semaine et à la semaine prochaine.